J, c'est le S, un 3. Marafak. J'suis qu'avec des têtes cassées dans la lac. J'les baisse. Marafak. J'les baisse. Marafak. C'est le J, c'est le S, un 3. Marafak. J'suis qu'avec des têtes cassées dans la lac. J'les baisse. Marafak. J'les baisse. Marafak. Culé ta mère. J'suis en fond de 7 sur la A7, j'suis vers la sierre du fric à faire. Hey, Kerekai, remontada, cric le bruit du métal, glisse du multistrada. Et on vit le pas de garde du corps, hein. Trois sacoches, plus vite c'est plus tard. Votre gauche appelle de phare, hein. Matrix, et j'me casse à Benidorm. Malaga, pareil que t'aimes Bendito. Et va là-bas, cortège de moto. Tres uncho, fais le signe, joue le cri Arafak. Mon poteau, hey, et le taf ça fait mal au dos. Hey, les sous ça vous monte à la tête. Hey, et tu vends ta daronne pour un plot. J'ai poteau. C'est le J, c'est le S, un 3. Arafak. J'suis qu'avec des têtes cassées dans la lac. J'les baisse. Marafak. J'les baisse. Marafak. C'est le J, c'est le S, un 3. Marafak. J'suis qu'avec des têtes cassées dans la lac. J'les baisse. Marafak. J'les baisse. Marafak. T'as des trucs à dire? On a des trucs à faire, frère. Dans le coin ça tire, grr, grr, grr. Histoire de terre. Ça aurait pu finir comme les Vandowski. Mais les jeunes ils veulent des sous, maintenant ils Vandowski. Sous whisky, qui c'est qui fait le fou? Ce soir Jaroski. Dans le secteur y'a des bandits, y'a des petits qui ont grandi. Y'a des voyous, y'a des bandits, y'a des grosses peines, des repentis. Et des fils d'eux que j'avais senti. Sur le vieux port on est samedi. Y'a le Covid, y'a le confi, y'a les copines, y'a les cousines, y'a les voisines. La limousine m'envoie un Uzi, je les bousille. Scoozy, pas de Scoozy. Trop de buzz, j'peux pas sortir l'arme de Roussi. J'te mets le pied au menton comme un poussif. C'est nocif dans la zone sans le Roussi. Quand j'arrive dans la zone c'est atroce. Sors les CZ, les bolides et les grosses. Et les frères ils attendent des grâces. Plus elle est bonne, plus l'embrouille elle est grosse. C'est le J, c'est le S, un 3. Marafak. J'suis qu'avec des têtes cassées dans la lac. J'les baisse. Marafak. J'les baisse. Marafak. C'est le J, c'est le S, un 3. Marafak. J'suis qu'avec des têtes cassées dans la lac. J'les baisse. Marafak. J'les baisse. Marafak. C'est le J, c'est le S, un 3. Marafak. J'suis qu'avec des têtes cassées dans la lac. J'les baisse. Marafak. J'les baisse. Marafak. C'est le J, c'est le S, un 3. Marafak. J'suis qu'avec des têtes cassées dans la lac. J'les baisse. Marafak. J'les baisse. Marafak.